en présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timoney. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. Quatrième épisode. Mardi 7 octobre, fin de journée au cabinet médical. Madame Leblanc m'a dit que tu étais absent ce midi. Oui, j'étais à l'hôpital. Et tu y vas souvent? Oui, maman, tous les mardis midi. Ah bon? Tu travailles là-bas? Mais oui, maman, depuis ma première année d'installation, j'ai une vacation par semaine. Parfois plus quand je remplace les confrères qui sont absents. Mais dans quel service déjà? L'autre jour, une de mes amies m'a demandé où tu travaillais et j'étais incapable de lui répondre. J'avais l'air faim. Le service d'orthogénie. C'est là que les femmes consultent pour demander une contraception ou lorsqu'elles désirent interrompre leur grossesse. Ouf. Ça ne doit pas être drôle. Hein. Excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais dis-moi ton article, tu sais, celui sur lequel tu travaillais la semaine dernière quand je t'ai appelé. Quand est-ce qu'il sera publié? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu sais. Ils vont en discuter au comité de lecture et ils me demanderont sûrement de le retoucher avant de publier. Peut-être dans 2 ou 3 mois. Tu penseras à m'envoyer le numéro? Bien sûr, maman, comme d'habitude. Excuse-moi, maman, il faut que je te quitte. J'ai du monde dans la salle d'attente et comme je suis allée à l'hôpital, j'ai commencé en retard. Oui, bien sûr, mon fils. Je ne veux pas trop tarder. Et puis, le téléphone, ça coûte cher. Tu me rappelleras plus tard. Sinon, ça ne fait rien. Si on ne se reparle pas d'ici là, à vendredi soir, comme d'habitude. Si je ne suis pas là avant... Tu me fais souvent envoyer des numéros de la revue médicale pour laquelle tu travailles. Pas très fin. Les premières fois, tu étais un peu réticent. Mais tu as fini par m'en envoyer une, et puis une autre. Et bon, je ne comprenais pas tout au début. Mais petit à petit, j'ai compris un peu plus, et je me suis dit que finalement, je n'étais pas si bête. J'ai tout de même été femme de médecin. Bon, je n'ai pas fait d'études, mais je tapais les articles de mon mari. Je ne suis pas complètement ignare quand même. J'ai fini par me rendre compte que ce que tu écrivais ressemblait de moins en moins à des articles de médecine et de plus en plus à... Bon, cela dit, je te soupçonne de ne pas me faire lire tout ce que tu écris. Tu m'envoies ta revue, mais tu pourrais aussi bien publier des articles ailleurs sans que je le sache. Et plus ça va, moins tu en parles. Encore moins que de tes patients ou de tes amis. Je sais que tu passes de longues heures un stylo à la main ou assis devant une machine à écrire. Bon, ça ne m'étonne pas vraiment. J'ai toujours beaucoup écrit, moi aussi. Quand la famille s'est éparpillée aux quatre coins du pays et parfois plus loin encore, je tapais mes lettres à la machine. Et bien sûr, je tapais les brouillons des articles de ton père. Ce qui m'a le plus surprise en lisant ta revue, c'est que tu y écris des histoires que ton père racontait. Je serais étonné, ton père, s'il savait combien de temps tu passes à écrire, presque autant qu'à pratiquer la médecine. Si je dis ça, c'est parce que tu ne sors pas souvent. Quand je t'appelle chez toi, le soir, tu réponds instantanément, comme si tu avais la main posée sur le téléphone. Je passe tous les ans pour un check-up. Tu m'examines des pieds à la tête, tu me fais un électrocardiogramme et tu me prescris une prise de sang complète. Et tu dis que complète, ça ne sert pas à grand-chose. Mais j'insiste, tu es très sympa et très clair. Mais je trouve que tu poses des questions un peu trop personnelles. Ma vie privée, après tout, ça n'a rien à voir avec ma santé. J'irai jamais le consulter. J'ai pas confiance. Il est sûrement pas net. Un jour, je l'ai vu regarder les pornos dans le même vidéoclub que moi. Je ne veux plus le voir. La dernière fois, il a refusé de me prescrire mon médicament contre le cholestérol. Il dit que ça ne sert à rien et que c'est dangereux. Mais enfin... Si les médicaments faisaient plus de mal que de bien, les docteurs n'en prescriraient pas. Il dit que le cholestérol, c'est moins grave que mon asthme et les cigarettes. Mais moi, je lui demande pas d'arrêter de fumer. Je lui demande de soigner mon cholestérol. L'autre jour, il a dit « Moi, je soigne pas le cholestérol, je soigne les gens. À votre âge, vous avez tout le temps de mourir d'autre chose que du cholestérol. » J'ai dit « Bon, si c'est tout ce que vous me souhaitez, et je suis parti. » Non mais pour qui il se prend? Je sais quand même mieux que lui de quoi j'ai besoin. C'est qui le malade? Et celui que je vous ai prescrit la fois d'avant? Ah, ça m'a rien fait. Rien de rien. Vous comprenez, la constipation et moi, c'est une histoire qui a plus de 30 ans. J'ai tout essayé, vous pensez? Ça marche 2-3 jours et puis c'est fini, pas moyen d'aller normalement. À la fin, ça finit par me porter sur le système. Hein. Et mon mari rouspète. C'est pourtant pas les spécialistes qui manquent, mais je les ai tous vus et personne n'a jamais pu m'arranger ça. Je comprends pas. Avec tout ce qu'on fait maintenant, qu'on n'ait pas encore trouvé quelque chose... Remarquez cette famille. Ma mère était comme ça et je crois bien que ma fille aussi. Oh, elle dit rien, hein. Mais je la connais. Bon, vous avez essayé ça? Qu'est-ce que vous me marquez, là? Ah. C'est bien ce que je pensais. Pas la peine, hein, je connais. Ça me fait encore moins que le reste. La seule chose qui me fait aller, c'est le désalmol. Ça fait des années que j'en prends. Je sais bien qu'on dit que ça donne le cancer, mais si j'y vais pas tous les jours, je me sens pas bien et c'est pas une vie. Tu reprends le Bristol quadrillé, tu notes quelque chose, comme c'est tout petit, je peux pas lire. Et pendant un moment, je me dis que tu vas me proposer de passer des radios ou consulter un spécialiste. Et bien sûr, je te répondrai, s'il le faut, moi, je veux bien tout. Mais vous savez, j'ai déjà tout eu, tout vu, alors à quoi bon? Et moi, je comprends pas qu'on me refuse du désalmol quand j'en demande, puisqu'il y a que ça qui me fait aller. Si c'était si mauvais que ça, on pourrait pas en acheter, et puis cancer ou pas, faut tout de même bien mourir de quelque chose. Ça n'arrive qu'une fois, au moins, après, on souffre plus. Tandis qu'être constipé toute l'année, c'est vraiment pas une vie. Puis, sans te presser, tu prends une ordonnance, tu écris mon nom, et la date est juste en dessous. Désalmol, 3 fois par jour, pendant 6 mois. Tu signes, tu remplis la feuille de maladie, tu la plies en deux et tu la glisses doucement près de toi sur le bureau. Tu refermes ton stylo, tu le glisses dans la poche de poitrine, tu fais pivoter ta chaise, tu te penches vers moi, un bras appuyé sur le bureau, la main ballante, l'autre main posée sur ta cuisse. Et à part ça, comment ça va? J'ai appelé la nuit où ma femme a fait son attaque. Elle râlait dans son lit, elle ne réagissait plus. J'ai bien cru qu'elle allait mourir dans mes bras. Tu es venu très vite. Pourtant, de plaie, ça faisait loin. Au téléphone, j'avais du mal à t'expliquer. Il était 3 heures du matin et j'étais complètement affolé. Dès que tu es arrivé, tu as vu que ma femme n'allait pas bien du tout. Son bras et sa jambe gauche étaient tout flasques. Elle râlait de plus en plus fort. Tu as dit qu'il fallait l'hospitaliser, et c'est bien ce que je craignais. Mais il n'y avait rien d'autre à faire. Tu as appelé l'ambulance, tu as aussi appelé l'hôpital pour les prévenir. Tu es resté jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Ils ont dû mettre pas loin d'une heure à venir. Pendant qu'on attendait, tu as écrit une longue lettre. De temps en temps, tu retournais la voir, tu reprenais sa tension, tu écoutais son cœur, tu lui parlais pour voir si elle réagissait. Quand les ambulanciers sont arrivés, tu les as aidés à la descendre. L'escalier est très raide. À l'hôpital, on l'a bien soignée. On lui a mis le goutte à goutte. On lui a donné de quoi la soulager. Mais elle a fait une hémorragie. Et le docteur de la réanimation m'a dit que c'était très grave. Elle est morte le lendemain. Après les obsèques, je suis retourné te voir pour te payer la visite. Cette nuit-là, quand j'avais voulu le faire, l'ambulancier arrivait. Tu avais dit « on verra ça plus tard ». Et puis, je t'ai demandé si tu voulais bien me soigner dorénavant. C'est pas que je sois malade, mais j'ai un peu d'arthrose. Et puis, ma femme disait qu'il faudrait que je me fasse prendre l'attention de temps en temps. Tu m'as demandé si j'avais un docteur avant. J'ai dit « oui, le même que ma femme ». Mais quand j'avais appelé, on m'avait donné ton numéro, parce que c'était la nuit. Alors tu m'as demandé si je ne préférais pas retourner le voir, mais j'ai répondu « non ». Vous savez, vous avez soigné ma femme quand elle a fait son attaque. Alors maintenant, c'est normal que ce soit vous. Deux bicyclettes et deux vélomoteurs sont rangés contre le mur de la salle d'attente. Et trois voitures stationnent dans la cour. Mais pas la tienne. Les vitres sont embuées. La porte de rue est entrebâillée. Je m'essuie les pieds. Dans le couloir, accrochés au vieux porte-manteau, deux parapluies dégoulinent. Sur les horaires affichés à la porte, on a scotché un panneau disant « Aujourd'hui, mardi, exceptionnellement, les consultations débuteront à 15h30. » À ma montre, il est 4h15. J'entre. Une dizaine de personnes aux vêtements ruisselants lèvent la tête. Deux d'entre elles me saluent, moi qui pensais passer tout de suite. Madame Leblanc m'avait dit que le mardi après-midi, c'est souvent calme. Je soupire, j'hésite, je regarde à nouveau ma montre et je ressors. Les enfants vont sortir de l'école. Il aurait peut-être fallu que je demande un rendez-vous. Pour une fois que je prenais le temps d'aller voir le médecin, c'est bien ma veine. Bonjour, monsieur Guénaud. Bonjour, monsieur, docteur. Comment va? C'est pour ma prothrombine, comme tous les mois. Oui. Ça a baissé depuis la dernière fois. Ah ouais? Voyons. 31%. La dernière fois, vous aviez 34. C'est pareil. Si votre taux de prothrombine est compris entre 25 et 35%, c'est parfait. Bon. Va peut-être falloir que vous me consultiez. Je me déshabille? Je vous en prie. J'enlève aussi les chaussettes? Si vous voulez. Je m'allonge? S'il vous plaît. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Pas grand-chose. J'ai eu un peu de rhume, mais avec le sirop que vous me donnez d'habitude, ça s'est passé, hein. Il m'en reste presque plus. Faudra m'en remarquer si ça vous ennuie pas. C'est-il bientôt qu'il faut se faire vacciner pour la grippe? Oui, ce mois-ci, mais vous avez encore le temps. 14-8, c'est bien. Ah, tiens. La dernière fois, j'avais 13. C'est pareil. Ça varie un peu d'une fois sur l'autre, mais c'est pareil. Et d'appétit, ça va? Pas de problème de digestion? Bon, ça se maintient. Votre femme va bien? On fait aller. Vous lui passerez bien le bonjour. Asseyez-vous au bord du lit. Parfait. Alors ça va, la bête n'est pas encore prête à crever. Ah, loin de là, d'ailleurs vous avez l'air en pleine forme. Faut pas se plaindre, à 70 ans c'est plus comme à 20. Hein. Mais on se maintient, dame, je me soigne. Venez par ici quand vous pèse. J'ai maigri, je vois pas sans mes lunettes. Non, pas depuis l'autre fois. Je me rhabille. Je sors mon portefeuille et je te vois inscrire la date sur ordonnance. Et puis mon nom à la hauteur du tien. Et en dessous, en majuscule, le nom des médicaments que tu me prescris depuis la première fois. Quand je suis venu te voir en sortant du service où tu m'avais envoyé parce que j'avais perdu la tête. Moi, naturellement, je m'en souviens pas. Hein. Je me suis réveillé un jour dans un lit qui n'était pas le mien. Et des dames en blouse bleue m'ont dit « Bonjour, monsieur Guénaud, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et moi, j'ai dit « Bonjour ». Mais c'est tout. Je savais plus dire autre chose. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. On me demandait si j'avais faim et je disais bonjour. On me disait que ma femme allait venir et je disais bonjour. Et moi, je m'énervais parce que j'arrivais pas à parler normalement et j'y comprenais rien. Ça a bien duré 3 jours. Jusqu'à ce que le médecin-chef me dise qu'il allait me donner un nouveau médicament pour me soigner, mais qui garantissait pas le résultat. Je pleurais beaucoup. Je pleurais parce que je savais pas ce qui m'arrivait. Ma femme venait me voir l'après-midi et j'arrivais pas à lui parler. Je disais toujours la même chose. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Et rien d'autre ne sortait. Et elle aussi, ça la désolait, forcément. Elle qui aime bavarder. Puis que les enfants sont partis, la fille téléphone. Bonjour maman, et on va venir dimanche vous voir, et au revoir. Mais c'est tout. Alors forcément, elle et moi, on se fait la causette, ça occupe. Et puis il y a eu la jeune dame, la rééducatrice de la parole. J'allais la voir dans son bureau 3 fois par semaine. Au début, elle m'a posé des questions, je devais répondre oui ou non de la tête. Et comme je répondais correctement, elle m'a fait faire des choses simples en me les écrivant sur un papier. Fermez les yeux, donnez-moi la main, et petit à petit, sans doute parce que le médicament m'a fait de l'effet, j'ai réussi à reparler. Et maintenant, j'ai pratiquement plus mal. Seulement, de temps en temps, je cherche un peu mes mots, mais il paraît qu'à mon âge, c'est normal, surtout après ce que j'ai eu. Je me rhabille. Heureusement que ma femme vous a appelé quand ça allait pas, hein. Parce qu'ils me l'ont dit à l'hôpital. Si vous m'aviez pas fait soigner, j'y serais resté. Alors que là, je m'en suis tiré à bon compte, hein. Et si je continue à me surveiller et à bien prendre mon traitement, ça devrait pas recommencer, hein. Alors maintenant, je fais attention. Dame, il faut se soigner, hein. Bon, le médecin-chef voulait me revoir 1 fois tous les 6 mois, mais comme il me donne plus de médicaments spéciaux, je me suis dit, c'est peut-être pas la peine que j'y retourne, si vous voulez bien de moi comme client. J'en serais très heureux, bien sûr, mais vous aviez un médecin traitant avant que je ne vous envoie en neurologie. Oh oui, le docteur Jardin à Ravigné, mais il est plus très jeune. Et quand on vous a appelé, c'était un dimanche, et lui, il veut plus être de service ce jour-là. Sa femme vous envoie directement à l'hôpital, sans qu'il se dérange. Tandis que vous, vous êtes venu me voir, vous m'avez bien ausculté, et vous avez vu tout de suite qu'il fallait m'envoyer là-bas. Alors si vous voulez bien continuer à vous occuper de moi... Eh bien, ça me touche beaucoup. Mais en ce moment, vous m'avez l'air en forme. Il ne sera pas nécessaire de venir très souvent. Tous les 3 mois, ça devrait suffire. Je t'ai pas raconté quand je m'étais décroché la mâchoire. Ça m'a foutu une trouille bleue quand c'est arrivé. J'avais déjà entendu parler de ça, ça m'avait fait rigoler, mais pardon. Ça n'a rien de drôle, on a l'air con. On peut plus parler, on peut plus fermer la bouche, et si on insiste, ça fait un mal de chien. Je suis allé le voir. Il a eu l'air vachement embêté, il savait pas ce qu'il fallait faire. Il a essayé de me fermer la bouche doucement. J'avais déjà essayé, hein. Ça marchait pas. Il a essayé de tirer en avant, de pousser en arrière, rien à faire. Et moi, je commençais à m'impatienter. Je me voyais déjà à la clinique, anesthésie générale et tout le tintouin, la gueule enrobée de fil métallique au réveil, obligé de bouffer avec une paille. J'avais envie de pleurer. Et en plus, j'avais encore envie de bâiller. Il était assis là, près de moi. J'étais allongé comme un con en me demandant combien de temps on allait rester comme ça avant qu'il se décide à m'envoyer à un spécialiste. Et brusquement, il s'est levé sans rien dire. Il a sorti des étagères un petit bouquin et je l'ai entendu parler tout seul. La mandibule s'insère comme ça. Donc, logiquement... Il a posé son petit bouquin, il m'a fait lever du lit, asseoir dans un des fauteuils et il a enfilé des gants. Et j'étais pas fier. N'ayez pas peur. Il a posé ses pouces sur mes molaires du fond, il a appuyé doucement vers le bas et clac ! J'ai senti que ça se remettait, sans douleur ni soupir. Il avait l'air tout étonné. Moi, j'étais plutôt soulagé et content. Ça m'est arrivé encore 3 ou 4 fois avant que je me décide à laisser le stomato m'opérer des ligaments. Évidemment, je l'ai appelé à chaque fois et j'ai eu du pot. Il était toujours là, même le dimanche la dernière fois que ça m'a pris. À chaque fois, évidemment, ça demandait 3 secondes. Il avait proposé d'apprendre à ma femme comment faire. Mais moi, tu comprends, je préférais que ce soit lui. On a la main ou pas. Depuis quand êtes-vous dans cet état ? Depuis... 3 mois. Si vous voulez bien vous allonger, je vais regarder votre ventre. Avez-vous perdu du poids ces dernières semaines ? Oui, un peu. Je ne mange pas grand-chose. J'ai trop de mal à avaler. Cette piqûre va vous soulager très vite. Voilà. Pour le moment, je vais vous donner seulement des comprimés à faire fondre dans un peu d'eau, mais surtout, il va falloir faire un examen chez un spécialiste. Un examen ? Une fibroscopie. Cela consiste à passer un petit tube dans le nez pour aller explorer les bronches, pour voir ce qui se passe dedans. Il faut qu'on sache pourquoi vous êtes gêné comme cela. Venez vous peser, si vous voulez bien. J'ai perdu 6 kilos. Ma femme avait bien vu que je flottais dans mes pantalons. Je vous fais une lettre pour le spécialiste. Allô, bonjour, ici le docteur Sachs. J'aurais voulu un rendez-vous pour un de mes patients. Oui, c'est urgent. Non, ça ne peut pas attendre la semaine prochaine. D'accord, passez-le-moi, merci. Bonjour Philippe, c'est Bruno. Excuse-moi de te déranger en consultation, mais je voudrais t'envoyer un patient que je vois pour la première fois ce soir. Il a un wheezing très important, il a maigri et il faut sûrement l'explorer. C'est ça. Demain matin, ce serait parfait. 11h45. Attends, je lui demande. Oui, oui, parfait. Alors, c'est monsieur Guillou Gaston. Voilà. Encore merci, ça nous rend bien service. Oui, quand tu voudras. Merci infiniment. Je vais vous donner l'adresse. Vous commencez à vous sentir un peu mieux? Oui, ça commence à faire effet, oui. Dites, je vais devoir me faire opérer. Tu m'expliques comment ça se passe, mais je n'entends pas tes explications. Je te demande s'il faudra m'opérer. Tu dis que ça dépendra de ce qu'on va trouver. Tu ne nommes aucune maladie, et je ne te demande pas de le faire. Le lendemain, ma femme m'accompagne chez ton confrère spécialiste. C'est un homme très doux. L'examen est long, mais se passe bien. Ensuite, il me fait asseoir dans son bureau, et il m'annonce que j'ai un cancer du larynx. Je vais te voir quand j'ai un peu mal à l'intestin. Ça me prend pas souvent et je vais bien. Je prends toujours mon vélo, je jardine, je vais au repas des anciens, alors on peut dire que ça va. Même que mon fils répète toujours que j'ai bonne mine. N'empêche que de temps à autre, j'ai mal là, sur le côté. Et je me dis, c'est peut-être le cancer et je vais te voir. Ma voisine, qui est plus jeune que moi, elle avait jamais vu un médecin de sa vie. Un jour, elle s'est mise à saigner, tu lui as dit qu'il fallait qu'elle passe un examen, et puis tu l'as fait opérer. Elle est rentrée chez elle et elle m'a dit, c'était un début de cancer, il l'a vu tout de suite, ils me l'ont enlevé, et voilà. Alors quand j'ai mal, je me dis que si j'en avais un, moi, tu le verrais tout de suite. Tu m'auscultes, tu appuies juste là où ça fait mal et tu me dis que c'est pas le côlon, c'est un grand muscle qui passe derrière, qui s'attache dans le dos et qui passe dans le ventre. C'est vrai que mon dos me fait mal souvent vu que je suis obligée de me pencher pour jardiner et biner. J'ai jamais aimé ça, mais il faut bien, sinon rien ne pousserait. Chaque fois, je te demande si t'es bien sûr, que c'est pas grave, que j'aurai pas le cancer. Pour l'an prochain, je ne peux rien vous promettre, mais aujourd'hui, je suis sûr que ça n'est pas le cancer. Ça me fait toujours rire. Et tu t'es jamais trompé, puisque je suis encore là. Des fois, quand j'ai trop mal, tu me donnes des remèdes pour 2 ou 3 semaines. J'en prends pendant quelques jours, et puis quand je sens plus rien, j'arrête. Tu m'as bien dit que je peux en reprendre quand ça recommence, mais je préfère retourner te voir. Des fois qu'il m'en vient un de cancer, d'une année à l'autre, on peut jamais savoir. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. C'était La maladie de Sachs, de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. 4e épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Sachs. Et Pauline Jambet. Flora Brunier. Françoise Lebrun. Jean-Christophe Frech. Francky Pain. Yves-Robert Viola. Alice Lestrat. Bernard Vavert. Clotilde Morgiève. Jean-Michel Mollet. Grégory Kidel. Fanny Boutérou. Brigitte Faure. Émilien Tessier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation, Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. La maladie de Sachs est publiée aux éditions POL et aux livres de poche.